Wapi, comment voir? Étonné, refuser d'aimer par peur de souffrir, c'est comme refuser de vivre parce qu'on sait qu'on va mourir. La reine du plat pays, Pauline Franck, adorée et jamais virale. Ma télé m'a rangé sa support. Chargé à Pauline, on a un dengue. Quel que soit le rêve à consommateur. Donc on va faire un tungwe, c'est chapaka. Ce qui va fondre mon finoukou. Tenga Amissi, Bidi Sombe Pesa. Soyons à comité glorifié. MJ et Joe, y a docteur et Julie. Et la rendez-vous chéri par milliards. De lui, ma cambo boulou, maître, mon ami. Orline Lukiesa, il y a Adomu Wanga, Aimé Doki Solo, Lorraine Botulu, Thierry Zande, Mike Balusa Bokulaka. Il pressing un cadeau en public. Trésor des Catons Fougas. Courtoisie obligée, Naziango. Marino et la Madinga. Zokezala qui a déception. Que terre va boyaka cadeau théo. Les officiers sous soumaï. Absence terminée qui m'a cassé. Yolande Mayate. Ma soeur lui a tellement battu ma lobby. Christian Moko Libreville. Docteur Nestor Mukendi Kabamba Gineco. Mouvisons